les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Que sait-on, que savait-on au début des années 60 de Christopher Marlowe ? Presque rien. Sinon peut-être sa fin. Une mort violente, résultat d'une rixe entre amis dans une auberge. À moins que. Le personnage était et restait mystérieux, espion, au service de Francis Walsingham, lui-même, bien entendu, au service de sa reine, Elisabeth. Ce n'est pas l'espion qui nous intéresse. Se fut-il rendu en France pour étudier la Saint-Barthélemy et plus tard écrire « Massacre à Paris ». De Massacre à Paris, il ne sera guère question dans l'anthologie étrangère qui vient, mais beaucoup plus du Faust et du Juif de Malte, et pas du tout du règne difficile de la mort lamentable d'Édouard II, roi d'Angleterre, ainsi que de la chute tragique de l'orgueilleux Mortimer. « Tenons-nous-en au meilleur », disait le producteur, « parce que l'anthologie nous en fait une loi ». Première diffusion sur la chaîne nationale, le 29 juin 1960. Anthologie étrangère. La radiodiffusion télévision française présente Christopher Marlowe, 1564-1593. Une émission composée par Jean Debert, réalisée par Georges Gravier, avec le concours de Julien Berthaud, René Farabet, Jean-Marie Fertet, Raymond Jourdan, Dominique Paturel, Henri Poirier et Julia Dancourt. C'est peut-être s'avancer beaucoup que de consacrer une anthologie à Christopher Marlowe plutôt qu'à tel ou tel autre élisabétain. Des sept ouvrages qui lui sont communément attribués, certains historiens ne lui en reconnaissent pas un. Il est vrai que d'autres, ivres de contradictions, voudraient qu'il soit le père véritable de 11 pièces qu'on a coutume d'attribuer à Shakespeare, et non des moindres ou des plus discutées, pas seulement les Henri V et VI ou Titus Andronicus, sur lequel il y aurait en effet beaucoup à dire, mais Richard III. Jules César, mais oui. Et même, j'ose à peine le répéter, Roméo et Juliette ne seraient que des pièces de Marlowe retouchées et encore pas toujours par Shakespeare. Là, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le vertige du nègre. Il existe à tous les moments de l'histoire de la critique une espèce pas très répandue, mais étonnamment vivace, de rongeur. Ils s'attaquent de préférence aux génies du plus grand calibre. Il ne leur faut pas moins qu'Homère, que Shakespeare ou Corneille, pour leur arracher des membres entiers. On ne sait à quoi répond ce mal singulier, il faut que le génie soit quelqu'un d'autre. Comme si ce quelqu'un d'autre avait besoin de moins de génie pour arriver au même résultat. Vous savez qu'il y a des saugrenus qui proclament sérieusement « Homère, ça n'existe pas. Shakespeare, c'est Bacon. » Et alors ? À supposer que Shakespeare soit Bacon, ses pièces en changent-elles de caractère ? Le génie y est-il moins apparent ? Il est vrai qu'on a dit aussi que c'est Corneille qui a écrit certaines comédies de Molière. Revenons aux choses sérieuses. Si on ajoute au disparate du répertoire accepté l'opinion désenchantée d'un historien récent, on ne connaît de la vie de Marlowe que les circonstances de sa mort. Vous avouerez que voilà une matière difficile à manier. Ils sont là toute une bande de dramaturges, poètes plus ou moins illustres, qui ont tous l'air d'être ses contemporains et ses émules, le Webster, John Ford, Cyril Tourneur, Philip Massinger, Beaumont et Fletcher. Mais prenons-y bien garde, ils sont tous plus jeunes que lui. Ils forment le corps assez mal défini du théâtre élisabétain, remarquable par sa vitalité et par sa violence, par sa démesure et par son désordre. Et le seul qu'il dépasse, celui qui a porté l'art dramatique à une hauteur jamais égalée, William Shakespeare, quoiqu'il ait le même âge que lui, lui est cependant postérieur. Ils sont nés, en effet, la même année 1564, à un mois d'intervalle, l'un à Stratford, comme vous savez, l'autre à Canterbury. Cette année-là, la grande Élisabeth dépassait tout juste la trentaine. Marie Stuart, la jeune veuve affolée de François II, venait d'épouser à 21 ans son amant Darnley. Deux poètes naissaient ensemble, dont un seul allait monopoliser toute la gloire dramatique de l'Angleterre. Pourquoi donc nous arrêter à Marlowe et non à Shakespeare, penserez-vous? D'abord, Shakespeare n'a pas besoin de nous, il est trop connu, trop joué pour attendre rien de nos explorations familières. Cette raison est trop simple, elle n'est pas la vraie. Notre vraie raison, ou plutôt nos raisons, les voici. D'abord, il est agréable d'explorer un poète de qui on ne sait vraiment rien. Nous avons eu autant de plaisir avec Sappho qu'avec Keats. Même sans nous livrer au jeu absurde qui consiste à faire dire aux textes malgré eux ce que, bien malgré eux aussi, les historiens n'ont pas pu découvrir. Notre deuxième raison est que le jeune Marlowe, mort à 29 ans, a joué un rôle décisif dans l'évolution du théâtre, qu'il a préparé les voies à Shakespeare, et puisque nous nous sommes plongés tout de suite dans les dates, allons y voir plus avant pour constater que quand Marlowe meurt en 1593, Shakespeare commence à peine une carrière qui n'est pas encore assurée. Aucun de ses ouvrages ne remonte plus haut que 1591, son Henri VI probablement, peut-être Richard III, c'est tout. Marlowe disparaît alors, poignardé pour des raisons obscures, laissant derrière lui des monuments tels que Tamerlan, 1588, le docteur Faust, 89, son Juif de Malte, en 91, son Édouard II et ses massacres de Paris, en 92, l'année de sa mort est celle d'un beau poème lyrique, Héros et Léandre, dont nous parlerons plus loin. Je pense qu'il n'a pas été nécessaire d'insister pour vous faire dresser l'oreille à quelques-uns au moins de ces titres. C'est là, en effet, notre raison la plus profonde. Marlowe a été un étonnant créateur de mythes et de caractères inoubliables. Il a été le premier, et pratiquement le seul, Shakespeare mis à part, à dépasser l'anecdotique pour atteindre les grands thèmes éternels et renouveler leur forme. 200 ans avant Goethe, il est allé dénicher par exemple une petite histoire qui lui était presque contemporaine, et il en a fait l'histoire du docteur Faust. Et sa vision tragique n'a subi ni éclipse ni déformation, il a atteint du premier coup à l'universel. On sait que le premier Prométhée était un gouverneur de province en Égypte et qu'il s'est rendu fameux en montrant au Vella le moyen de rallumer, en frottant deux pierres, le feu que le Nil avait étouffé dans ses crues. On sait aussi que le premier Don Juan Tenorio était un jeune chenapan qui causait du scandale, qui a fini par assassiner le commandeur de la ville et que les Capucins de Séville ont décidé une nuit de sacrifier au triomphe de la morale. Puis, pour égarer les recherches, on a répandu le bruit que le cadavre avait été emporté par le fantôme de sa victime, l'histoire a été crue, et la légende a pris son vol. Faust est né ainsi. Toutefois, au lieu que pour Prométhée et pour Don Juan, l'amorce anecdotique de la légende se perdait dans les lointains du passé, Marlowe s'est audacieusement emparé d'une aventure presque contemporaine. Le vrai Faust, dont le nom véritable était Georg Zobel, est mort en 1541, 25 ans à peine avant la naissance du poète. Ce n'est rien. On sent tout de suite que le pacte avec le diable est l'élément inventé après coup qui a donné son essor à l'imagination populaire. Remarquez d'ailleurs que les trois mythes fabuleux que nous venons d'évoquer ensemble ont ceci de commun que le héros est englouti par le feu du ciel. Georg Zobel, qui se faisait appeler Johann Faust, se disait astrologue et alchimiste, on le disait escroc, on le savait débauché. Il est mort une nuit d'orage, dans une terrible débâcle intellectuelle et aussi, dit-on, intestinale, ce qui a fait naître dans l'imagination des voisins l'idée d'une mort violente. De cette matière confuse et assez vulgaire en somme, Marlowe sent aussitôt ce qu'il y a d'immense à tirer, et du premier coup fixe pour jamais les traits essentiels du personnage. S'il ne sait pas encore très bien construire une pièce, il excelle aussitôt à dresser très haut son personnage. Maintenant, Faust, te voilà nécessairement destiné à être damné, et tu ne peux être sauvé. Mais à quoi bon dès lors penser à Dieu ou au ciel? Arrière ces vaines imaginations, arrière le désespoir. Désespère de Dieu et mets ta confiance en Belzébuth. Maintenant, ne recule pas. Non, Faust, sois résolu. Et pourquoi vacilles-tu? Oh, quelque chose résonne à mon oreille et me dit, abjure cette magie, retourne à Dieu. Oui, Faust va retourner à Dieu. À Dieu? Il ne t'aime pas. Le dieu que tu sers est ton propre appétit, où règne l'amour de Belzébuth. C'est à lui que je veux élever un autel et une église. À lui que j'offrirai le sang en tiède des enfants nouveau-nés. Doux Faust, laisse cet art exécrable. Contrition, prière, repentance, qu'est-ce que tout cela? Ce sont les voies qui te conduiront au ciel. Ah, plutôt des illusions, fruits de la démence, qui rendent fous ceux qui y mettent toute leur confiance. Doux Faust, pense au ciel et aux choses célestes. Non, Faust, pense à l'honneur et à la richesse. La richesse? Oui. La seigneurie d'Emden sera mienne. Quand Méphistophélie sera près de toi, quel dieu peut t'abattre? Faust, tu n'as rien à craindre. N'agite plus de vains doutes. Viens, Méphistophélis, et apporte-moi d'heureuses nouvelles du grand Lucifer. Quoi, n'est-il pas minuit? Viens, Méphistophélis, viens. Viens, Méphistophélis. Dis-moi maintenant ce qu'a décidé Lucifer, ton maître. Je veillerai sur Faust tant qu'il vivra, s'il consent à acheter mon service au prix de son âme. Et Faust l'a déjà risqué pour toi. Mais il faut maintenant, Faust, que tu l'allègues solennellement. Et que tu écrives un acte de donation avec ton propre sang. Le grand Lucifer réclame cette sécurité. Si tu la refuses, je retourne en enfer. Non, reste, Méphistophélis. Et dis-moi quel bien mon âme fera à ton maître. Elle agrandira son empire. Mais voilà donc pourquoi il nous tente ainsi. Solamen miseris, socios abuis et doloris. Et quoi, souffrez-vous donc aussi les douleurs qui nous torturent, nous autres? Et d'aussi grandes que peuvent en endurer les âmes des hommes. Mais dis-moi, Faust, ton âme est-elle à moi? Alors je suis ton esclave, et je veillerai sur toi, et je te donnerai plus que ton imagination ne saurait demander. Oui, Méphistophélis, je te la donne. Alors, Faust, perce-toi courageusement le bras. Et engage ton âme, de telle sorte qu'au jour fixé, le grand Lucifer puisse la réclamer comme sienne. Et puis, sois toi-même aussi grand que Lucifer. Vois, Méphistophélis, pour l'amour de toi, je m'ouvre le bras. Et de mon propre sang, je certifie qu'elle appartient au grand Lucifer, le maître et seigneur suprême de l'éternelle nuit. Vois le sang qui coule de mon bras, et qu'il soit propice à mon désir. Mais Faust, il faut décrire cela en forme d'acte de donation. Mais volontiers. Mais, Méphistophélis, mon sang se congèle et je ne puis plus écrire. Je vais te chercher du feu pour le faire dégeler tout de suite. Et que peut présager cette arène, mon sang? Est-ce qu'il ne veut pas que j'écrive ce billet? Pourquoi ne coule-t-il pas pour que je puisse continuer d'écrire? Faust donne son âme. Ah, c'est là qu'il s'est arrêté. Mais pourquoi ne la donnerais-tu pas? Ton âme n'est-elle pas à toi? Écris donc encore. Faust te donne son âme. Voici du feu. Approche ton bras du brasier. Oui. Et voilà que le sang recommence à couler. Je vais achever tout de suite. Que ne ferais-je pour obtenir son âme? Consumatum est. L'acte est terminé. Et Faust a légué son âme à Lucifer. Mais quelle est cette inscription sur mon bras? Homo fugue. Et où fuir? Si c'est vers Dieu, il me rejettera en enfer. C'est une illusion de mes sens. Non, il n'y a rien d'écrit. Cependant, je vois clairement écrit là. Homo fugue. Non, Faust ne fuira pas. Je vais lui chercher quelque chose qui puisse charmer son esprit. Dis-moi, Méphistophélis, Que signifie cette pantomime? Oh, rien, Faust, elle n'a d'autre but que de te divertir et de te montrer de quoi la magie est capable. Mais pourrais-je évoquer les esprits quand je voudrais? Mais oui, Faust, et faire de plus grandes choses encore. Mais alors cela vaut bien un millier d'âmes. Et reçois donc ici, Mephistophélis, ce parchemin, un acte de donation de mon corps et de mon âme. Mais à cette condition que tu exécuteras tous les articles convenus entre nous. Faust, je jure par l'enfer et par Lucifer de remplir tous les engagements pris entre nous. Alors, écoutons la lecture. Aux conditions suivantes. Premièrement, que Faust pourra être esprit en forme et en substance. Deuxièmement, que Méphistophélis sera son serviteur et à ses ordres. Troisièmement, que Méphistophélis fera pour lui et lui procurera tout ce qu'il désirera. Quatrièmement, qu'il sera dans sa chambre ou sa maison, invisible. Enfin, qu'il apparaîtra devant le dit John Faust, à quelque moment, sous quelque forme ou apparence qu'il lui plaira. Moi, John Faust de Wittenberg, docteur, par ses présents, je donne à la fois mon corps et mon âme à Lucifer, prince de l'Orient, et à son ministre, Méphistophélis. Et de plus, je leur accorde 24 ans expirés sans violation des susdits articles, plein pouvoir de venir chercher ou d'emmener le dit John Faust, corps et âme, chair, sang et bien, dans leur habitation, où qu'elle soit. Fait par moi, John Faust. Dites-moi, Faust, ce que vous me remettez, bien votre acte. Oui, prends-le. Et que le diable t'avance dessus. Maintenant, Faust, demande tout ce que tu voudras. D'abord, je veux te questionner sur l'enfer. Dis-moi, où se trouve le lieu que les hommes appellent l'enfer? Sous les cieux. Oui, mais dans quel endroit? Dans les entrailles de ces éléments, où nous sommes torturés et devons rester à jamais. L'enfer n'a pas de borne. Il n'est pas circonscrit dans un lieu qui lui soit propre. Le lieu où nous sommes est l'enfer. Et là où est l'enfer, nous devons être toujours. Et pour conclure, quand tout l'univers se dissoudra et que toute créature aura été purifiée, tout ce qui ne sera pas le ciel sera l'enfer. Eh bien, mais t'avis que l'enfer n'est qu'une fable. Oui, garde cet avis jusqu'à ce que l'expérience te fasse changer d'opinion. Mais tu crois donc alors que Faust sera damné? Oh, sans doute, et de toute nécessité. N'ai-je pas là le parchemin où tu as donné ton âme à Lucifer? Oui, et mon corps aussi. Mais qu'importe. Crois-tu que Faust soit assez fou pour s'imaginer qu'après cette vie, il existe quelques douleurs? Mais fi donc, ce sont là des niaiseries et des purs contes de vieilles femmes. Cependant, Faust, je suis un exemple qui prouve le contraire, car je suis bien damné et à présent en enfer. Mais comment à présent en enfer? Soit, si c'est là l'enfer, je veux bien être damné. Quoi, se promener, discuter, etc. Non, mais laissons cela. Je veux prendre femme, épouser la plus belle fille de la Germanie. Oh, comment? Une femme? Je t'en prie, Faust, ne parle pas de femme. Mais d'où, Méphistophélis, procure-moi une. J'en veux avoir une. Ah, tu veux en avoir une? Bah, assieds-toi ici en m'attendant, je vais te trouver une femme. Au nom du diable. Oh, Christ, mon sauveur, viens sauver l'âme de Faust en détresse. Christ ne peut sauver ton âme, car il est juste. Il n'y a que moi qui s'intéresse à ton âme. Oh, qui es-tu, toi, qui as l'air si terrible? Je suis Lucifer, et celui-ci est un de mes compagnons, prince de l'enfer. Oh, Faust, ils sont venus pour emporter ton âme. Nous venons pour te dire que tu nous fais injure. Tu parles de Christ, contrairement à ta promesse. Tu ne dois pas penser à Dieu. Je ne recommencerai plus. Pardonne-moi cette fois. Et Faust s'engage à ne plus lever ses yeux vers le ciel, à ne plus nommer Dieu, à ne plus le prier, à brûler ses écritures, à tuer ses ministres et à faire renverser par les esprits ses églises. Fais ainsi, et nous t'en serons hautement reconnaissants. Faust, nous sommes venus de l'enfer pour te donner un divertissement. Assieds-toi, et tu vas voir les 7 péchés mortels apparaître sous leur propre forme. Ce spectacle sera aussi plaisant pour moi que le paradis le fut pour Adam, le premier jour de sa création. Ne parle pas de paradis, ni de création. Parle du diable et de rien autre chose. Disparaissez ! La traduction est malheureusement loin du lyrisme de l'original. Marlowe n'est pas gâté par l'édition française. Elle vous a cependant laissé sentir que la situation est ici à la fois ramassée et tendue à l'extrême. La légende a pris du premier coup sa plus grande dimension. Goethe en élargira le contexte philosophique, il n'est pas allé plus loin. Il n'a pas eu à inventer un personnage qui lui était donné tout entier debout par un garçon de 24 ans qui avait appris dans les écoles à se moquer de tout, de Dieu aussi bien que de la société. Il faut dire que l'image de cette dernière n'a pu que confirmer l'enseignement des écoles. Aussi, la conclusion ne peut-elle être le repentir, mais l'engloutissement. Et vous allez voir que la fin de Faust, comme nous le disions, rejoint aussitôt, sans recherche et sans intention, la fin de Prométhée et celle de Don Juan. Ah, Faust, tu n'as plus qu'une heure. Une heure à vivre. Et puis tu dois être damné pour l'éternité. Arrêtez-vous, sphère toujours mouvante du ciel. Que le temps puisse cesser et minuit ne jamais venir. Et toi, bel œil de la nature, lève-toi. Lève-toi encore et fais un jour éternel. Ou que cette heure au moins soit une année, un mois, une semaine, un jour ordinaire, que Faust puisse se repentir et sauver son âme. Oh, lente, lente querite nocti sequi. Les astres se meuvent toujours, le temps court, l'horloge va sonner, le démon va venir. Et Faust doit être damné. Oh, que ne puis-je bondir jusqu'à mon Dieu ? Et qui me tire en bas ? Voyez, voyez, le sang du Christ inonde le firmament. Oh, une seule goutte sauverait mon âme, la moitié d'une goutte. Oh, mon Christ. Oh, ne me déchirez pas le cœur parce que je prononce le nom du Christ. Oui, je veux l'invoquer. Oh, épargne-moi, Lucifer. Où est-il maintenant? Il est parti. Et voilà que Dieu étend son bras et fronce son sourcil chargé de colère. Montagne et colline, venez, venez tomber sur moi et dérobez-moi la pesante colère de Dieu. Non, non. Alors je vais me précipiter la tête baissée dans les entrailles de la terre. Terre, ouvre-toi! Ah non, elle ne me donnera point asile. Et vous, étoile, qui avez présidé à ma naissance, vous dont l'influence a fait la part de la mort et de l'enfer, attirez Faust comme une brume vaporeuse dans les entrailles de ces nuages en travail là-bas. Afin que, lorsque vous me vomirez dans l'air, mes membres puissent retomber de vos bouches enfumées, pourvu que mon âme puisse monter au ciel. Oh, la demi-heure est passée. L'heure tout entière va l'être bientôt. Oh, Dieu, si tu ne veux pas avoir pitié de mon âme, cependant, pour l'amour du Christ dont le sang m'a racheté, mais une fin à ma peine éternelle. Que Faust reste en enfer 1000 ans, 100 000 ans, mais qu'à la fin, il soit sauvé. Mais non, il n'y a pas de fin pour les âmes damnées. Pourquoi, Faust, n'as-tu pas été une créature sans âme? Ou bien, pourquoi celle que tu as est-elle immortelle? Ah, si la métempsychose de Pythagore était vraie, cette âme s'envolerait loin de moi, je serais changé en une bête brute. Toutes les bêtes sont heureuses, car lorsqu'elles meurent, leurs âmes se dissolvent aussitôt dans les éléments. Mais la mienne doit vivre toujours pour être torturée dans l'enfer. Maudits soient les parents qui m'ont engendré! Non, Faust. Oh, maudis-toi toi-même. Maudit Lucifer qui t'a privé des joies du ciel. Minuit. Minuit. Maintenant, ô mon corps, change-toi en air, ou Lucifer va t'emporter bien vite en enfer. mon âme, change-toi en petite goutte d'eau et tombe dans l'océan, à jamais introuvable. Mon Dieu, ne me regarde pas si terriblement. Vipères et serpents, laissez-moi respirer un instant. Hideux enfer, n'ouvre pas ta gueule. Non, ne viens pas, Lucifer. Je veux brûler mes livres. Ah, mes fils d'enfer! Couper la branche qui aurait pu grandir et prospérer. Brûler est le rameau de laurier d'Apollon qui poussa pendant quelque temps dans cet homme de science. Faust n'est plus. Regardez son infernale chute, et puisse sa destinée diabolique exhorter le sage à n'avoir que de l'étonnement pour les choses défendues. Dont la profondeur entraîne les esprits hardis à aller plus loin que ne le permet le pouvoir céleste. Ici, cependant, il n'y a pas de Marguerite. Marlowe était insensible à la molle sentimentalité de la rédemption par l'amour féminin. Les femmes ne jouent aucun rôle dans son œuvre, elles y font un peu de figuration et c'est tout. Quand 2 ans plus tard, en 1591, le succès de Henri VI de Shakespeare met à la mode les longues chroniques historiques de Holinshed découpées en tableaux, le besogneux Marlowe emboîte le pas. Faust ne l'a pas rendu riche, il n'a pas mis en pratique ses propres leçons et n'en a tiré aucun profit. On chercherait en vain une Lady Macbeth ou une Ophélie dans l'œuvre de Marlowe. Il n'y a pas plus de femme attachante dans le fantastique et absurde Juif de Malte que dans Faust ou dans Édouard II. Le Juif de Malte est antérieur de 4 ans au Marchand de Venise. Et à parler franchement, sa donnée de départ est plus puissante. Elle offre plus de possibilités que celle de Shakespeare. Je ne vous raconte pas la pièce, vous allez en entendre le début et vous observerez que Barabbas est à la mesure de Shylock. Par contre, le seul personnage de femme, Abigail, fille de Barabbas, est beaucoup plus sommairement tracé que la Jessica de Shakespeare. On reproche souvent à cette pièce de commencer bien et de ne pas tenir ses promesses, de laisser sombrer dans le mélodrame la vigoureuse intrigue des 2 premiers actes. C'est vrai, mais c'est pas très juste, car on en pourrait dire autant du Marchand de Venise. Barabbas est moins compliqué que Shylock, mais il est plus vraisemblable aussi. Qu'on aille mander ici ces Juifs de Malte. Ne les a-t-on pas invités à se présenter aujourd'hui? On l'a fait, monseigneur, et les voici. Avez-vous déterminé ce que vous avez à leur dire? Oui, laissez-moi faire. Et vous, Hébreu, approchez. De la part de l'empereur de Turquie est arrivé le grand Selim Kalimat, fils de sa hôtesse, pour lever sur nous les tributs de 10 années écoulées. Sachez donc maintenant ce que nous avons résolu. Sans doute, monseigneur, pour vous assurer la paix, votre seigneurie fera bien de leur accorder leur demande. Tout doucement, Barabbas. Cela ne va pas si vite. Nous avons évalué le montant de ce tribut de 10 années. Mais nous ne pouvons réaliser la somme à cause des guerres qui ont consumé nos ressources. Et par conséquent, nous devons réclamer votre secours. Hélas, monseigneur, nous ne sommes pas soldats. Et quel serait notre secours contre un si grand prince? Oui, juif, nous savons que tu n'es pas soldat. Tu es un marchand et un homme cousu d'or. Et c'est ton or, Barabbas, que nous voulons. Comment, monseigneur, mon or? Le tien et celui des autres. En un mot, il faut que vous payiez cette somme. Hélas, monseigneur, la plupart, nous sommes pauvres. Alors les riches paieront pour les pauvres. Des étrangers seront-ils donc taxés pour votre tribu? Les étrangers n'ont-ils pas comme nous le droit d'amasser des richesses? Qu'ils contribuent donc avec nous. Mais en proportions égales? Non, juifs. Mais comme des infidèles. Car c'est parce que nous laissons vos détestables vies, vos vies maudites, s'étaler à la face du ciel, que ces taxes et ces épreuves se sont appesanties sur nous. Nous sommes bien résolus qu'on lise les articles de nos décrets. Article 1. Le tribut en argent des Turcs sera levé sur les Juifs, et chacun d'eux sera taxé pour la moitié de ses biens. Comment? La moitié de ses biens? J'espère que vous ne pensez pas aux miens. Continuez la lecture. Article 2. Celui qui refusera de payer sera fait immédiatement chrétien. Comment? Chrétien? Que faut-il faire? Enfin, celui qui s'y refusera perdra absolument tout ce qu'il a. Oh, monseigneur, nous donnerons la moitié. Oui, la moitié, lâche, faites-vous. Vous n'êtes pas né juif. Consentez-vous donc à vous soumettre aussi ignominieusement, abandonnez vos biens à leur discrétion? Tu veux donc, Barabbas, être baptisé? Non, gouverneur, je ne veux pas être converti. Alors paie la moitié. Mais savez-vous ce que vous me proposez là? La moitié de ma fortune, c'est la richesse d'une cité. Gouverneur, elle n'a pas été si facilement acquise et je ne m'en séparerai pas si légèrement. Monsieur, la moitié. Telle est la teneur de notre décret. Ou payez cette moitié, ou nous saisissons le tout. Corpo di Dio. Attendez, vous aurez la moitié. Faut que je sois traité comme mes frères. Non, juif. Tu as refusé les articles. Il n'y a plus à revenir là-dessus. Alors vous voulez me voler mes biens? Le vol est-il donc le fondement de votre religion? Non, juif. Nous prenons ton bien en particulier pour sauver une multitude de la ruine. Il vaut mieux qu'un seul soit dans le besoin pour le bien de tous que de voir périr un grand nombre pour un particulier. Cependant, Barabbas, nous te bannissons pas. Tu pourras toujours vivre ici à Malte, où tu as ramassé ta fortune, et où tu peux en ramasser une plus grande encore. Chrétien, que pourrais-je multiplier? Par quels moyens? On ne peut rien faire de rien. Mais de rien, tu es d'abord parvenu à un petit avoir, d'un petit bien à un plus grand, d'un plus grand à une immense fortune. Si votre malédiction primitive retombe lourdement sur ta tête, t'appauvrit et te fait mépriser de tout l'univers, ce n'est pas notre faute, mais celle du péché inhérent à ta race. Eh quoi? Vous employez l'écriture à confirmer vos forfaits. Ne me prêchez pas en me dépouillant de mes possessions. Il y a des juifs scélérats, comme le sont tous les chrétiens. Mais parce que la tribu dont je suis descendu a été rejetée pour son péché, serais-je donc condamné pour sa transgression? L'homme qui vit honnêtement a le droit de vivre. Et qui de vous peut m'accuser de ne pas vivre honnêtement? Hors d'ici, misérable Barabbas! N'as-tu pas honte de te justifier ainsi toi-même, comme si nous ne connaissions pas ta profession? Et si tu te retranches sur ton honnêteté, alors sois patient et tes richesses s'accroîtront. L'excès de la fortune engendre l'avarice, et l'avarice est un monstrueux péché. Oui, mais le vol est bien pire. Donc ne prenez pas mon bien, car c'est un vol. Et si vous me volez ainsi, je serai forcé de voler à mon tour et d'acquérir davantage. Grave gouverneur, ne prêtez pas l'oreille à ces criailleries. Changez sa maison en couvent. Elle pourra abriter beaucoup de saintes nonnes. Il en sera fait ainsi. Eh bien, officier, avez-vous exécuté vos ordres? Oui, monseigneur. Nous avons saisi les biens et les marchandises de Barabbas dont l'évaluation dépasse toute la richesse de Malte. Ah. Quant aux autres, nous avons saisi la moitié. Nous venons prendre vos ordres pour le reste. Eh bien, monseigneur, dites, êtes-vous satisfait? Vous avez mes biens, mon argent, ma richesse, mes vaisseaux, mes marchandises, tout ce dont je jouissais avec délice. Ayant tout, vous n'avez plus rien à réclamer, à moins que vos cœurs implacables, que vos cœurs de roche n'éteignent toute pitié dans vos poitrines de pierre et ne vous amènent maintenant à prendre ma vie. Non, Barabbas. Tachez nos mains de sang est bien loin de nous et de notre profession. Et moi, j'estime moindre l'injure de prendre la vie de misérables hommes que celle de causer leur misère. Vous avez ma richesse, le labeur de ma vie, le confort de ma vieillesse, l'espoir de mes enfants. Et par conséquent, ne faites plus de distinction entre les crimes. Contente-toi, Barabbas, d'être traité selon le droit. Votre droit strict est pour moi la souveraine injustice. Mais gardez-le pour vous, au nom de diable. Allons, rentrons! Et sur ces biens, réunissons la somme pour le tribut du Turc. Il faut y songer. Car si nous laissons passer le jour, nous brisons la ligue. Mais c'est là pour nous une affaire de simple politique. Oui. La politique. Voilà leur profession. Et non la simplicité, comme ils le prétendent. Les plaies d'Égypte! Les malédictions du ciel, la stérilité de la terre, la haine de l'univers, inflige-leur tout cela. Oh, toi, Primus Motor. Et ici, sur mes genoux frappant la terre, je voue leurs âmes aux peines éternelles, aux dernières tortures de l'abîme enflammé, puisqu'ils m'ont ainsi traité dans ma détresse. Un peu de patience, excellent Barabbas. Ah, stupide! Né pour voir ce jour, pourquoi vous tenez-vous là? sans être touché par mes lamentations. Pourquoi ne pleurez-vous pas en pensant à mes malheurs? Pourquoi ne succombez-je pas à mon angoisse pour ne pas mourir dans cette détresse? Nous pouvons à peine endurer le cruel traitement qui nous est infligé à nous-mêmes. Tu vois qu'ils ont pris la moitié de nos biens. Mais pourquoi avez-vous consenti à leur extorsion? Vous étiez une multitude, et moi un seul homme. Et à moi seul, ils ont tout pris. Cependant, frère Barabbas, souviens-toi de Job. Que me parlez-vous de Job? Oui. Je sais que sa richesse est ainsi évaluée dans l'Écriture. Il avait 7000 moutons, 3000 chameaux, 200 paires de bœufs de labour et 500 ânesses. Mais au lieu de tout cela, dut-on l'estimer largement, j'avais chez moi et dans mon argosier et mes autres vaisseaux venus dernièrement d'Égypte de quoi acheter ces bêtes à lui et avoir encore de quoi vivre par-dessus le marché. Si bien que ce n'est pas à lui, mais à moi de maudire le fatal jour de ta naissance, infortuné Barabbas. Ainsi j'appelle sur moi une nuit éternelle. Que des nuages de ténèbres puissent enfermer ma chair et cacher à mes yeux ses extrêmes chagrins. Car je n'ai peiné que pour hériter ici de moi vide et de jours perdus. Et des nuits douloureuses me sont réservées. Bon Barabbas, sois patient. Ah, laissez-moi, je vous en prie, dans ma patience. Vous qui n'avez jamais été en possession de la richesse, vous vous contentez de la pauvreté. Mais donnez au moins la liberté de se lamenter à celui qui, sur un champ de bataille, au milieu de ses ennemis, voit ses soldats égorgés, lui-même désarmés, et ne connaît plus de moyen de salut. Laissez-moi me chagriner de cette soudaine infortune. C'est dans le trouble de mon esprit que je parle. De grandes injustices ne s'oublient pas si vite. Venez, laissons-le dans son humeur pleine de colère. Nos paroles ne feraient qu'accroître sa démence. Allons. Mais croyez-moi, c'est une misère de voir un homme dans une telle affliction. Adieu, Barabbas. Oui, adieu. Voyez la simplicité de ces vils esclaves. Ils pensent, car les lâches sont sans esprit, que je suis une masse d'argile insensible, dont la première eau venue peut faire de la boue. Non. Barabbas est né pour une meilleure destinée et sorti d'un plus noble moule que le commun des hommes qui mesurent tout à l'heure présente. Une pensée scrutatrice sondera les plus profonds replis de son esprit et calculera avec habileté le temps à venir. Car les malheurs peuvent arriver tous les jours. Mais où va ma belle Abigail? Oh, qui est-ce qui a pu rendre triste ma fille bien-aimée? Oh, femme, ne pleure pas pour une petite perte. Ton père a encore assez de trésors pour toi. Ce n'est pas pour elle-même, mais pour Barabbas, son vieux père. C'est pour toi que se lamente Abigail. Moi, j'apprendrai à laisser ces pleurs inutiles. Et poussée par ma douleur, je courrai au Sénat en poussant de terribles cris. Et au milieu du Sénat, je les accablerai tous de reproches. Je déchirerai leur cœur en déchirant ma chevelure, jusqu'à ce qu'ils réparent le mal fait à mon père. Non, Abigail. Les choses passées se guérissent rarement avec des cris. Reste silencieuse, ma fille. La patience enfante le bien-être et le temps pourra nous fournir une occasion qui ne peut pas ne pas se présenter tout à coup. De plus, mon enfant, ne me crois pas si fou que d'avoir négligemment laissé aller tant de richesses, sans avoir pourvu à ton existence et à la mienne. Redoutant le pire des malheurs avant qu'il ne tombât sur nous, j'ai soigneusement caché 10 000 pièces d'or portugaises, d'énormes perles, de riches joyaux et des pierres d'un prix infini. Où donc, mon père? Dans ma maison, ma fille. Alors Barabbas ne les reverra plus jamais, car on a saisi ta maison et tes marchandises. Mais ils me laisseront bien, une fois encore, je l'espère, entrer dans ma maison. Il se peut que non, car j'y ai laissé le gouverneur y installant des nonnes à ma place. Et de ta maison, ils veulent faire un couvent de nonnes où personne de notre sexe ne pourra pénétrer. La porte est en général fermée aux hommes. Mon or! Mon or, toute ma richesse est perdue. Injuste cieux, ai-je mérité cette infortune? Que m'opposerez-vous encore, funestes étoiles, pour me faire désespérer dans ma pauvreté? Et me sachant impatient dans la détresse, me croyez-vous assez fou pour que je veuille me pendre, pour que je puisse m'évanouir d'ici-bas dans les airs et ne laisser aucun souvenir de ce que j'ai été? Non. Je vivrai. Ma vie n'est pas un opprobre. Et puisque vous me laissez ainsi tomber, me débattre à la nage dans l'océan, en m'abandonnant à mes propres ressources, je veux ranimer toutes les énergies de mon esprit et me réveiller moi-même. Ma fille, je le tiens. Tu vois, le piteux état où ces chrétiens m'ont réduit, laisse-toi diriger par moi, car dans cette extrémité, nous ne devons reculer devant aucune politique. Père, quoi que ce soit qui puisse leur porter dommage, puisqu'ils nous ont si manifestement fait du mal, que ne tentera pas Abigail. Très bien. Tu m'as dit qu'ils ont changé ma maison en couvent. Et qu'ils y ont déjà installé des nonnes. Oui. Alors, Abigail, ma fille doit obtenir de l'abbesse, à force d'instance, d'y être reçue. Comment ? Comme nonne ? Oui, ma fille. Car la religion met à l'abri du soupçon bien des méfaits. Oui, mais père, on me suspectera là-dedans. Laisse-les suspecter. Mais toi, sois si précise, si formelle, qu'elles puissent s'imaginer que tu n'agis ainsi que par esprit de sainteté. Supplie-les de ton mieux, donne-leur des paroles amicales. Fais semblant auprès d'elles d'avoir de grands péchés jusqu'à ce que tu obtiennes d'être reçu. Alors, père, il me faudra beaucoup dissimuler. Bon ! Il n'est pas plus mal de feindre ce qu'on n'a jamais pensé que de penser d'abord la vérité et de la déguiser ensuite. Une profession feinte est moins coupable qu'une hypocrisie cachée. Eh bien, père, une fois reçu, que me faudra-t-il faire? Voici. J'ai caché là, sous le plancher de la chambre de l'étage supérieur, l'or et les joyaux que je gardais pour toi. Mais les voici. De l'artifice, Abigail. Alors, père, viens avec moi. Non, Abigail, il n'est pas nécessaire que je me monte en cette affaire. Car je devrais paraître brouillé avec toi en cette occasion. Je vous serrerai, mon enfant. Car ce stratagème me rendra mon or. Après, l'auteur s'embrouille en effet dans une suite d'épisodes plus monstrueux et plus invraisemblables les uns que les autres. Les meurtres succèdent aux catastrophes, les duels aux empoisonnements. Barabbas va jusqu'à empoisonner tout un couvent pour récupérer sa maison, croyant que son Abigail est assez chérie du diable pour échapper au poison. Tenons-nous-en au meilleur, puisque l'anthologie nous en fait une loi. De cette incursion dans l'œuvre de Marlowe, nous ne retiendrons pas qu'elle trouve le moyen d'être touffue sans être abondante. Nous retiendrons que nous nous trouvons devant un créateur authentique. C'est ici l'occasion de rappeler la distinction si précieuse de Jules Renard, il y a les conteurs et il y a les écrivains. On raconte ce qu'on veut, on n'écrit pas ce qu'on veut. On n'écrit que soi-même. L'imagination créatrice de Marlowe a une étendue et une puissance qui ne laisse place à aucune hésitation. C'est un écrivain. Ce n'est pas seulement un amuseur, un raconteur d'histoire, un animateur de marionnettes, comme le sont la plupart des auteurs dramatiques à succès, d'aujourd'hui comme d'hier. C'est un créateur et un poète véritable. N'a-t-il écrit que lui-même, pour reprendre le mot de Jules Renard? Si nous connaissions son œuvre dans son entier, sans aucune hésitation sur celle qu'il a écrite, si leur attribution était incontestable, si leur texte était incontestablement de la seule main de Marlowe, ça vaudrait la peine d'aller y voir de près. Essayons d'aller enfin à sa rencontre, dans une œuvre qui n'étant plus engagée dans le mouvement dramatique, a confié toute sa destinée aux beautés littéraires et poétiques. C'est sa dernière œuvre et donc, probablement, fut son dépit de lui-même, son testament d'écrivain. Les historiens de la littérature disent souvent du mal du poème, d'ailleurs inachevé, qui s'appelle « Héro et Léandre ». On se demande, dit l'un, pourquoi Swinburne a tant vanté « Héro et Léandre ». Il se dégage malheureusement, dit l'autre, de ce poème, un parfum bizarre d'homosexualité qui flotte un peu dans les coins des écrits de Marlowe et soulève le cœur. Voilà un malheureux critique qui ne doit pas avoir souvent le cœur à la bonne place, dans le siècle où nous sommes, où l'homosexualité n'est même plus une marque distinctive. Un troisième se demande, qu'est-ce donc qui offre encore quelque intérêt dans Héro et Léandre? La réponse sera facile. Dans Héro et Léandre, Marlowe abolit entièrement en soi-même les vertus spécifiques du dramaturge. C'est un long poème à la fois mythologique et moral, comme la littérature française en offre de beaux exemples, l'Orphée de Tristan l'Hermite, l'Adonis de Jean de La Fontaine, la Jeune Parc de Paul Valéry, c'est-à-dire un genre difficile et ravissant où l'écriture est reine. Pour reprendre notre distinction de tout à l'heure, nous abandonnons un conteur plein de qualités et de défauts, mais plein de génie, pour l'écrivain. Qui parle comment ? Malgré sa prolixité, ce poème est beau. Les vers harmonieux et les images lumineuses y abondent. Et comme nous n'avons pas le temps de tout lire, les vers que nous allons écouter seront débarrassés de leur longueur excessive et vous aurez peut-être le bonheur de rencontrer la beauté pure qui affleure dans l'anglais juste au moment où Shakespeare est en train de la découvrir lui aussi dans Vénus et Adonis. Léandre, amoureux de Héro, qui est une jeune fille, ne croyez pas trop vite les mauvaises langues, se sait aimé d'elle, mais il lui faut renverser 1000 obstacles et traverser les mers pour arriver jusqu'à elle. Mais à présent, Léandre, approchant du rivage, de ses pieds fatigués, tâte et touche le sable. Tout essoufflé qu'il soit, il n'a point de repos qu'il ne soit parvenu à la tour solitaire. Il y cogne, il appelle. À ce bruit céleste, le cœur impatient des héros s'emplit de plus de joie que celui des nymphes et des bergers quand retentit le tambourin ou du dauphin sinueux quand chante le marin. Sans prendre le temps de se vêtir, elle se lève aussitôt et, ivre de bonheur, elle court à la porte. Voyant un homme nu, elle hurle de peur car de tels spectacles s'offrent rarement aux yeux des vierges délicates et se recule dans l'ombre afin de se cacher. Mais les joyaux brillants se voient le mieux dans l'ombre. Vers elle, il est conduit, ou plutôt attiré par la blancheur de ce corps brillant à travers la fine toile. Plus il s'approche d'elle, et plus elle s'enfuit. Et cherchant un refuge, elle se glisse dans son lit. Léandre s'y assied et commence à parler, glacé de froid, tout pâle et faible et épuisé. Si ce n'est par amour, mon amour. Par pitié, prends-moi dedans ton lit et contre ton sein vierge. Au moins, accorde un peu de place à ces deux bras qui, dans l'espoir de te serrer, ont nagé avec tant d'ardeur. Ma tête a souffert les coups de maintes vagues hargneuses sur ton oreiller dont permet qu'elle repose. Mais Héro, apeuré, recule au fond du lit et Léandre se couche à sa place encore tiède, dont la vivante chaleur, comme un feu dérobé au ciel, animerait l'argile la plus grossière et ferait monter plus haut les désirs languissants d'une âme à son déclin que ceux du cruel Mars en ses beuveries de nectar. Il jette sur son corps ses mains comme un filet. Elle, accablée de honte et blêmissant de peur, telle la chaste Diane surprise par Actéon, se voyant soudain trahie, plonge pour se cacher. Et tout en glissant son corps d'argent vers le fond de sa couche, des deux mains, elle fait de son lit une tente et s'imagine ainsi avoir trouvé refuge sous l'abri sombre et ténébreux des couvertures. Alors elle le laisse chuchoter à son oreille, flatter, prier, promettre, affirmer et jurer, mais chaque fois qu'il tente avec des doigts avides de toucher ses trésors, elle fait la harpie et chaque membre, ainsi qu'un soldat valeureux, défend le fort et tient l'ennemi à l'écart. Car s'il peut escalader les pentes de ce monde ivoire qu'entoure un réseau fin de cercles azurés, ainsi qu'un globe, je puis bien l'appeler globe, ce qui guide le navire de l'amour vers les rives du bonheur, rendu là cependant tel Sisyphe, il s'affaire en vain jusqu'à ce que de tendre pourparlers amène enfin une trêve. Léandre, alors couché sur son sein frémissant, tout hors d'haleine, dit un mot et soupire la suite. Discours si convaincant que sans beaucoup de peine, il peut l'enserrer dans ses bras, baiser ses lèvres. Mais tout baiser pour elle est un enchantement, et pour Léandre un nouvel appel aux armes, si bien que voilà la trêve rompue et que, hélas, pauvre innocente, Héro se trouve à sa merci. L'amour n'est pas rempli de pitié, comme on dit. Il est sourd et cruel pour la proie qu'il désire. Comme un oiseau que dans nos mains nous torturons, s'élance et plonge avec maint battement des ailes, elle lutte en tremblant, et cette lutte, ainsi que celle d'où naquit le monde, engendre un autre monde de joie inconnue. Elle songe à trahir et cherche adroitement le moyen de se rendre. Sans paraître vaincue, elle est vaincue enfin, car dans ce combat, les femmes ne donnent que la moitié de leur force. Léandre, alors, comme Hercule le Thébain, pénètre dans le verger des Hespérides. Il y goûte ce fruit que nul ne peut décrire que celui qui le cueille, ou le fait tomber de l'arbre d'or. Héros voudrait maintenant que cette nuit ne finisse jamais, et soupire en songeant au soleil qui approche. Il règne une tendre sensualité dans ces vers, c'est vrai, et nous n'allons pas nous en plaindre. Nous sentons pourquoi Swinburne les aimait. Il n'allait pourtant pas conduire Marlowe bien loin. De ce ravissement des amours naturels, il allait tomber sans transition dans un coupe-gorge au sens le plus concret et laisser sa vie dans un de ces pièges innombrables que tendait son siècle aux imprudents. Un dîner dans une auberge à Deptford, aux environs de Londres, des compagnons de table aussi querelleurs que lui-même, les uns et les autres pris de boisson, se battent pour la note. Voilà un beau sujet, n'est-ce pas, pour disputer de la vie et de la mort. Le poète reçoit un coup de poignard au-dessus de l'œil droit et meurt presque aussitôt le 30 mai 1593. Avait-il des torts? On n'en sait rien. On sait seulement que le meurtrier était acquitté. Ce garçon de 29 ans, qui laisse une œuvre aussi importante, encore qu'inégale, et sa mort violente, ne rappelle-t-il pas à quelques-uns d'entre vous un récit que nous avons rapporté ici même il y a 2 mois? Les paroles de Thucydide à propos de la peste d'Athènes semblent avoir été écrites pour cette histoire. Le plaisir à tout prix, il n'y avait plus alors d'autre définition de l'agréable et de l'utile, ni la crainte des dieux, ni les lois des hommes ne retenaient plus personne, la piété et l'impiété périssaient ensemble dans une hécatombe générale, chacun savait qu'il n'aurait pas le temps de subir le châtiment de ses crimes. C'est une coïncidence peut-être si la peste régnait aussi à Londres pendant ces années-là. Ce n'en est certainement pas une si cela se passait aussi dans les désordres de la guerre fratricide, la guerre du Péloponnèse d'un côté et de l'autre les guerres de religion. Dans les 2 cas, l'édifice moral s'est écroulé sous les mêmes coups. Vous sentez-vous prêt maintenant à souscrire au jugement de Louis Gillet? Celui-là avait du génie. C'était le contemporain de Shakespeare, ils étaient du même âge, et ce fut la grande admiration de sa jeunesse. Marlowe met à la scène des âmes sommaires et colossales qu'une passion grandiose mène à la catastrophe. Désir de pouvoir et de conquête, soif insatiable de savoir, toutes sont les victimes d'une sorte de tourment de l'infini. Il y a dans son Faust des accents d'un désespoir que Goethe n'égale pas. C'est Marlowe qui a créé en Angleterre le style tragique. Nous aurions craint de sembler partial en allant aussi loin, mais vous le voyez, c'est un historien de Shakespeare qui le dit. Anthologie étrangère. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter Christopher Marlowe, 1564-1593. Une émission composée par Jean de Berre et réalisée par Georges Gravier, avec le concours de Julien Berthaud, René Farabet, Jean-Marie Fertet, Raymond Jourdan, Dominique Paturel, Henri Poirier et Julia Dancourt. Assistante Jacqueline Clancier, prise de son Francis Granal. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 29 juin 1960. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.